Je vous ai parlé de sa capacité à survivre en milieu hostile. Et la manière dont je vous l'ai raconté ne laissait aucune place au doute. Pourtant, au fond de moi, j'étais persuadé qu'il partirait avant moi, avant le vieil homme que je suis. Mais à chaque fois que la mort croit son rapproché, il lui file entre les pattes. Et quoi de plus dangereux qu'un poison invisible? Quoi de plus dangereux qu'un prédateur qui s'adapte en permanence à l'environnement qui l'entoure? La rumeur dit qu'il serait à Gibraltar. Mais connaissant la réputation de ce lieu, ça m'étonnerait qu'il y soit pour son rocher, ses ruelles colorées et sa réserve naturelle. Douter de sa capacité à survivre, oui, au vu du nombre d'ennemis croissants qui l'entourent, mais imaginez un simple touriste se baladant dans les allées du jardin botanique. Oh non, ça me semble guère possible. Les seuls jardins qui pourraient l'intéresser appartiennent à des hommes en armes qui, eux, ne cultivent pas les crucifères à fleurs blanches, là-bas, de l'autre côté de la rive. Gibraltar, carrefour sans signalisation où la moindre hésitation se paye cher. Ici, la mer se jette tête baissée dans l'Atlantique, charriant sur son dos de lourds bolides pneumatiques. D'une berge à l'autre, 39 km 200 qui s'avalent en 30 minutes. Et la nuit, on y joue au chat et à la souris. Ce qui est sûr, c'est qu'un nouvel animal vient de se joindre à la partie. Et à l'évidence, il est bien plus cruel que les deux espèces que je viens de vous citer. Oui, si la rumeur dit vrai, Dieu seul sait comment tout ça se terminera.